إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc l'auteur du livre dit: et si il y a sur un de ses membres qui est concerné par le lavage des ablutions une jabira, jabira c'est une attelle ou un plâtre comme vous voulez, à cause du fait que l'os est cassé, ou alors il a une pommade ou un médicament ou un pansement sur une blessure et que l'utilisation de l'eau lui porte préjudice, alors il peut essuyer sur celui-ci concernant le lavage rituel majeur ou les ablutions jusqu'à ce qu'il guérisse de cette maladie. Non. C'est ce que dit ici l'auteur du livre, Abdurrahman ibn Sa'd, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Nous parlerons, inshallah tabaraka wa ta'ala, de l'essuyage sur la telle ou sur le plâtre ou le pansement. Mais avant ceci, j'ai voulu évoquer une chose qui n'est pas évoquée ici dans le livre, mais qui est souvent annexée à ça dans les livres de jurisprudence. C'est ce qu'on appelle l'essuyage sur al-imam, le turban. Ou alors l'essuyage sur al-taqiya, ce que nous avons sur la tête, ou alors l'essuyage sur al-khimar, ce que met la femme au-dessus pour cacher ses cheveux. Concernant l'imam, les preuves de la légitimité d'essuyer sur le turban sont nombreuses. Alhamdulillah. Elles sont nombreuses et prouvées et établies comme faisant partie de la sunna, et ceci à travers des hadiths qui sont authentiques. J'en ai ramené deux ici. Le premier, c'est le hadith de Amr ibn Umayyah ad-Dumari, rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 205, qui a dit: j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur ses deux chaussons et sur sa imam, c'est-à-dire sur son turban, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 295 d'après la version du Bilal, qui a dit: j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur ses deux chaussons et sur son khimar. Le khimar ici, dans le sens linguistique du terme, c'est ce qui couvre la tête. Il voulait signifier par ceci le turban. Non. Ces deux hadiths sont parmi les multitudes de hadiths qui nous prouvent la légitimité de faire cet acte-là. Nous avons Al-Hanabila, ceux qui suivent l'école de l'imam Ahmed, parmi les grands savants, Ishaq ibn Rahouya, Abu Thawr, l'imam Al-Awza'i, l'imam Al-Shafi'i, ibn Hazm, ibn Taymiyyah, et avant tout, l'avis de Abi Bakr wa Omar. Tous voient qu'il est permis d'essuyer sur le turban, seul, sans essuyer la tête. Alors que l'Ahnaf, ceux qui suivent l'école de l'imam Abi Hanifa, l'imam Malik et l'imam Malik, et ceci a été rapporté aussi de l'imam Shafi'i, mais l'imam Shafi'i, comme je l'ai cité dans le premier avis, l'imam Shafi'i a dit: si ces hadiths-là sont authentiques, alors c'est ma parole. Donc comme ils sont authentiques, l'imam Shafi'i voit le premier avis, c'est-à-dire qu'il est permis d'essuyer sur le turban lui seul, sans essuyer la tête avec. Or, l'Ahnaf et l'imam Malik voient qu'il n'est pas permis d'essuyer le turban tout seul, mais il faut obligatoirement essuyer aussi le devant, ce qu'on appelle l'os, il y a le toupet, c'est-à-dire le devant de la tête, une partie des cheveux. Donc ils essuient une partie des cheveux et ils continuent en essuyant l'imam. Donc, la divergence tient dessus. Est-ce qu'on peut essuyer le turban tout seul en faisant abstraction de l'essuyage de la tête, ou alors il faut nécessairement essuyer une partie de la tête et essuyer le turban? Les premiers disent que c'est permis de l'essuyer tout seul, alors que les autres, comme la Hanef et l'imam Malik, voient qu'il est obligatoire d'essuyer les deux en même temps. L'avis authentique sur ceci, c'est le premier avis. C'est le premier avis, car on n'a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné le fait d'essuyer une partie des cheveux avec le turban. Mais tous les ahadiths qui sont venus nous prouvent ou nous montrent que, ou nous décrivent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé le turban sans faire mention de l'essuyage de la tête. Il nous faudrait un dalil qui nous prouve que l'essuyage est valide qu'avec les deux choses, l'essuyage du turban et de la tête. Or, on n'a pas ceci. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim a dit, il y a trois cas de figure à envisager. Le premier, c'est quand la personne a la tête découverte. Dans ce cas-là, il lui est obligatoire d'essuyer sa tête lorsqu'il fait ses ablutions. Là, jusque-là, pas de problème. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque le imam, il couvre toute la tête, suivant la façon dont on le met et dont on se vêtit. Si le imam couvre toute la tête, alors la personne, elle fait le masque, l'essuyage sur le imam seulement. Et enfin, troisième cas de figure qui peut arriver, c'est que le imam laisse à découvert la devanture de la tête et des cheveux. Dans ce cas-là, la personne, elle fait l'essuyage, elle commence sur ses cheveux et elle termine sur le imam. Voilà ce qu'a cité Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Certains savants, notamment al-Hanabila, considèrent que pour que l'essuyage sur l'imama soit valide et permis, il faut que ce imama soit muhannaka. Muhannaka, c'est-à-dire qu'il soit enroulé sur la tête et en même temps enroulé autour du menton. Al-Hanak, c'est ça al-Hanak. Il faut qu'il soit enroulé autour du menton. Et il faut qu'il ait un pan derrière. Pourquoi? Ils ont dit, premièrement, c'était la manière dont on portait le imama au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on reste sur ceci. Deuxième chose, ils disent que lorsqu'il est muhannak, ça signifie qu'il est dur à enlever, ou il est difficile à enlever. Donc la permission vient, justement, lever cette difficulté. Voilà ce qu'ils disent. Or, cette condition qu'ils ont émise n'a pas de fondement. Car tous les ahadiths qui sont venus pour légitimer l'essuyage sur le turban sont venus mutlaqan, dans l'absolu, sans évoquer une manière particulière de imam, de turban. Donc, on ne peut pas conditionner une chose si on n'a pas un dalil du livre d'Allah et de la sunna du prophète, n'est-ce pas? Sur la base de ceci, l'essuyage sur n'importe quelle forme de turban est permise, qu'il soit enroulé autour du menton ou non, qu'il soit dur à enlever ou non. Certains turbans, vous pouvez les enlever comme ça d'un seul trait. D'autres, il faut les déplier, les dérouler. On n'a aucune preuve qui nous montre qu'il y a une distinction entre les deux turbans concernant l'essuyage dessus. Donc, on reste sur la généralité. Barakallahu fikoum. Aussi, une autre problématique qui est liée à celle-là, c'est l'essuyage sur ce qu'on appelle Al-Qalansuwa. On appelle ça Taqiyya à notre époque. Est-il permis d'essuyer sur Al-Taqiyya? Il y a deux avis chez les savants. D'ailleurs, je vous ai dit au début de nos cours que la plupart des problématiques de fiqh, elles sont sujettes à divergence. Donc, il faut faire le tri. Le premier avis, c'est la majorité des savants, Al-Jumhur. Et j'avais expliqué que lorsqu'on dit Jumhur et l'ulama, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont raison. Des fois, le Jumhur se trompe. Pour X raison. La preuve ne leur est pas parvenue, ou alors ils se sont appuyés sur un hadith qui est abrogé. Bref, il y a plein de raisons. On les avait citées au début de nos cours. On revenait sur ces cours-là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, Jumhur et l'ulama, la majorité, et non pas l'unanimité, il y a une grande différence entre les deux, la majorité, qui veut dire qu'il y a des savants qui divergent avec eux, considèrent que ceci n'est pas permis. Il n'est pas permis d'essuyer sur Al-Qalansuwa, car ils font la différence entre le Qalansuwa ou l'imama. Ils disent que l'imama, il est dur à enlever. Comme les chaussettes ou les chaussures, lorsqu'on fait l'essuyage dessus, elles sont dures à enlever, ça peut être pénible. Donc le imama est de cette sorte-là. Comme il est dur à enlever, Allah est venu avec la facilité. Or, ils disent pour le Qalansuwa, il n'y a pas cette difficulté. Il est facile à enlever, donc on ne peut pas faire une analogie avec l'imama et encore moins avec le khuffayn. C'est leur avis. Le deuxième avis, c'est ce qu'a dit Ibn Hazm et Ibn Taymiyyah, entre autres. Ils disent que, et Cheikh Al-Taymin voit cet avis aussi, dans Charles Al-Mumti'a. Ils disent que toute chose qui est posée sur la tête, toute chose qui est posée sur la tête, comme vêtement qui sert à couvrir la tête, il est permis d'essuyer dessus. Quand bien même il ne couvre pas toute la tête, et quand bien même il n'est pas dur à enlever. Quand bien même il ne couvre pas toute la tête, quand bien même il n'est pas dur à enlever. Pourquoi il dit ça? Quand bien même il ne couvre pas toute la tête, car le prophète, sallam, il a été prouvé qu'il a essuyé sur une partie de sa tête et une partie du turban. Ceci veut bien dire et prouver que ce n'est pas une condition que ce qui couvre la tête doit couvrir ce qui doit être essuyé complètement. Une partie peut être à découvert, notamment le devant. Voilà pourquoi ils disent ça. Deuxième chose, ils disent ce n'est pas une condition qui doit être dure à enlever. Exactement comme le imam, la même chose. Non. Concernant maintenant Al-Khimar. Al-Khimar, c'est ce que met la femme sur sa tête pour cacher ses cheveux. Aussi, il y a divergence chez les savants. Al-Mazahib al-Arba'a, les quatre écoles, les quatre grandes écoles, Ahnaf, Al-Malikiya, Al-Shafi'iya, Al-Hanabila. Chez Al-Hanabila, il y a deux versions. Il y a une version qui dit il n'est pas permis, il y a une version qui dit il est permis. Il voit qu'il n'est pas permis à la femme d'essuyer sur son khimar. Il lui est obligatoire d'essuyer sur ses cheveux lorsqu'elle souhaite faire les ablutions. Il s'appuie sur ceci, sur ce qui a été rapporté de Aïcha, qui a, lors de ses ablutions, rentré ses mains à l'intérieur de son hijab, son khimar, puis a essuyé sa tête, puis a dit: c'est ceci que m'a ordonné l'envoyé d'Allah de faire. Or, ce hadith, comme je vous l'ai dit en arabe, ce hadith n'a aucune trace dans les livres de Sunna. Vous voyez bien que ces savants-là, grands savants, parmi les Hanabila et les Shafi'iyya, ils peuvent se tromper justement dans Al-Masadir, dans le Masdar, dans la source, le hadith ou le Athar qu'ils prennent pour juger d'une mas'ala ou d'une problématique religieuse. Ils se sont trompés. Ce hadith-là n'a aucun fondement. Il n'existe pas ni dans le Bukhari, ni dans le Muslim, ni dans Sunan al-Tirmidhi, Abi Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, ni dans le Musnad de l'Imam Ahmed, ni dans les Masanid, ni dans le Musannafat, ni dans le Mustakhrajat. Il n'existe nulle part. Donc on ne peut pas s'appuyer dessus. Deuxième avis, c'est ceux qui disent que c'est permis. Et Cheikh Islam dit, donc Cheikh Islam voit que c'est permis. Il dit, Umm Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, essuyait sur son khimar. Elle faisait ceci, elle essuyait sur son khimar. Ce qui prouve bien que c'est légiféré. Et Cheikh Islam dit, il convient pour celle qui essuie sur son khimar d'essuyer une partie des cheveux. Non, d'essuyer une partie des cheveux à la bab al-artaya, c'est-à-dire par précaution. Concernant ces trois choses que l'on porte sur la tête, et ce qui est annexé à ceci, le turban, la taqiya et al-khimar, et tout ce qui couvre la tête. Est-ce que la durée est conditionnée comme elle l'est pour l'essuyage sur le khuffayn? Non. Car on n'a aucune preuve qu'il y a un tahdil, une limitation ou une délimitation dans le temps qui nous permettrait d'essuyer sur ces trois choses-là. Contrairement aux chaussettes et aux khuffayn, aux chaussons, où là on a un texte de Safwan ibn Assal, si vous vous rappelez le hadith. Là, lorsqu'il a dit nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a ordonné d'essuyer sur nos chaussettes 3 jours et 3 nuits, sauf si on était touché par al-janaba, l'état d'impureté rituelle majeure. Mais ceci fut permis pour celui qui dort, celui qui va au sel et celui qui urine. Mais il y a un tahdid dans le temps, il y a une limitation dans le temps, 3 jours et 3 nuits. Là, donc on a un texte. Or, concernant l'imam, le turban, le qalamsuwa, c'est-à-dire le tahiya, le khimar, on n'a aucun hadith qui nous montre qu'il y a une délimitation dans le temps. Donc, ceci n'est pas conditionné, barakallahu fikoum. On peut le faire tant qu'on veut. Deuxième chose, est-ce qu'il est conditionné pour essuyer dessus qu'on doit être en état de purification ? Comme c'est le cas pour Al-Khufayn. Non plus. Pour quelle raison? Il y a Adam al-Dalil. On n'a pas de preuve dessus. Alors que pour les deux chaussons, nous avions le hadith de Al-Mughirah ibn Shu'bah. Parce qu'il a dit, je me suis baissé pour retirer les chaussons du prophète alors qu'il faisait ses ablutions, et le prophète lui a dit à ce moment-là, sallallahu alayhi wa sallam, laisse-les car je les ai enfilés en état de pureté rituelle. On a un texte, puis le prophète a essuyé dessus. Or, pour ces choses-là qui nous concernent ici, il n'y a pas de texte sur ça. Donc, on peut enfiler à l'imam, même si on n'a pas les ablutions, ensuite faire ses ablutions, et au moment de dessuyer sa tête, on peut essuyer sur l'imam. Comme on peut essuyer sur le khimar, comme on peut essuyer, selon un avis des savants, sur Al-Qalansuwa. Nous avons aussi ce qu'on appelle, et ça c'est ce qu'a cité le Shir, Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, il a évoqué cette problématique de l'essuyage sur ce qu'on appelle Al-Jabira. Al-Jabira, un plâtre ou une attelle, un pansement. Justement, pourquoi elle a été appelée Jabira? À quoi ça sert? Al-Jabira, elle sert en général à mettre en place le membre droit afin que les os où la partie qui est cassée se consolide. Donc, comme vous le savez. Ou alors, lorsqu'une personne a une blessure et qu'elle doit y apposer un pansement, alors ceci rentre aussi dans ce terme de Jabir. Pourquoi on appelle Al-Kassir, ce qui est cassé, on l'appelle Jabir? Justement, car les Arabes utilisent des termes afin d'extérioriser, de montrer un optimisme. Tafa'oum. Puisque Jabara, c'est le contraire de Kassara. Kassara, ça veut dire casser. Jabara, ça veut dire réparer. Ils appellent ce qu'on met sur la cassure, ils l'appellent Jabira. Quelque chose qui répare. Afin de mettre en valeur un optimisme. C'est-à-dire la guérison ici. On retrouve ceci dans plusieurs termes. Comme par exemple, une terre qui est désolée. Une terre qui n'a pas d'arbre, ni d'eau, on l'appelle Mafaza. Mafaza, ça vient de l'Fawz, qui veut dire là, la réussite. J'ai donné aussi l'exemple de l'qafila, qu'on traduit généralement en français par la caravane. Une qafila. Al-qafila, lorsque un groupe de voyageurs partent avec des provisions pour le commerce ou pour autre, on appelle ça une qafila. Mais qafila, ça vient de l'kufoul. Ou al-kufoul, c'est le retour. C'est le retour. À la base, qafila, ça veut dire revenir. Pourquoi les Arabes appellent ceux qui partent, les revenants, parce qu'ils espèrent qu'ils vont revenir. Ils espèrent qu'ils reviendront. On retrouve aussi ce principe dans celui qui a été piqué par un scorpion. On l'appelle Salim. Alors qu'on devrait l'appeler Ladir, Al-Ladra, c'est-à-dire la morsure du scorpion. On l'appelle Salim parce qu'on espère qu'il guérisse. Ala kulli hal, Al-Jabira, il vient dans cette optique-là. Les savants ont divergé. Est-ce qu'il est permis pour celui qui a une attelle, ou qui a un plâtre, qui a un pansement, est-ce qu'il est permis, lorsqu'il fait ses ablutions, d'essuyer dessus, comme on essuierait sur les chaussettes, ou sur le turban, ou autre? Il y a deux grands avis, on va dire trois même. Mais il y en a deux grands dans le sens où il y en a qui voient qu'il n'est pas permis, il y en a qui voient qu'il est permis d'essuyer dessus. Et ensuite, il y a des variantes. Le premier avis, c'est ceux qui disent qu'il est permis et même obligatoire durant les ablutions d'essuyer sur cette attelle ou sur ce plâtre, à condition qu'il soit dans le besoin et la nécessité. C'est-à-dire, il faut qu'il soit dans la nécessité de le faire. S'il n'a pas nécessité de le faire, alors il lui est interdit de le faire, il doit laver son ombre. Il y a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens. Mais tous ces hadiths, tous les hadiths qui traitent de l'essuyage sur l'attelle sont faibles. Et effectivement, ils le sont. Vous connaissez tous l'histoire de cet homme qui a été blessé à la tête. Donc le prophète avait envoyé une expédition militaire et un homme a été blessé à la tête. Shajjahu Hajar. Alors, durant cette nuit-là, cet homme-là est tombé en état de janaba, c'est-à-dire état d'impureté rituelle majeure, nécessitant un lavage rituel. De bon matin, il a demandé à ses compagnons de route, il leur a dit, est-ce que vous voyez qu'il m'est permis d'avoir recours aux ablutions sèches, au tayammum, à cause de cette blessure? Alors ceux qui lui ont répondu, lui ont dit, non, tu n'as pas le droit d'avoir recours au tayammum, alayka bil ma, tu dois utiliser l'eau. L'homme a utilisé l'eau, il en est mort. Ceci est remonté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est mis en colère sallallahu alayhi wa sallam, et qui a dit, qatalahumullah. Ils l'ont tué. Et le prophète a invoqué contre eux, qu'Allah se venge d'eux. Ils l'ont tué. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question, entre parenthèses, aux gens qui connaissent, dès lors qu'ils ne savaient pas? Certes, le remède de l'ignorance, c'est la question. Innama shifa'ul 'ayyi su'al. Vous connaissez tous ce hadith. Ce hadith-là, jusqu'ici, il est authentique. Certains disent qu'il est bon, d'autres authentique. Or, il y a une continuité dans ce hadith. C'est celle que je vais vous citer. On a dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama yakfihi an yahsaba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alayha. Il lui aurait suffi d'enrouler sa blessure par un pansement, puis d'essuyer dessus. Cette partie-là que je vous ai citée, la deuxième, là, il lui aurait suffi jusqu'à la fin, elle est faible. Elle n'est pas authentifiée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous les hadiths qui traitent de l'essuyage sur un pansement, ou sur un plâtre, ou une attelle, ils sont faibles. Alors, ceux qui disent que c'est permis de faire, sur quoi s'appuient-ils pour valider leurs propos? Ils s'appuient sur une parole de Abdullah ibn Omar, qui elle est authentique, rapportée par Ibn Abi Shayba et l'imam al-Bayhaqi, par une chaîne de transmission authentique. Ibn Omar a dit cette phrase, celui qui a une blessure sur laquelle il y a un pansement ou une attelle, et qui fait ses ablutions, alors il essuiera sur ce pansement et il lavera ce qu'il y a autour de ce pansement. C'est-à-dire, il lavera ses membres d'une manière normale et habituelle. Sauf l'endroit où il y a le pansement, là, il essuiera dessus. C'est une preuve claire et nette que il est légitime d'essuyer sur la partie qui est endommagée ou cassée ou blessée. Non. Ça, c'est l'avis des quatre écoles. Al-Ahnaf, Al-Malikiyya, Al-Shafi'iyya, Al-Hanabila. C'est aussi l'avis de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah et à notre époque, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, l'auteur du livre, Cheikh Al-Taymiyyah et Cheikh Al-Nubais voient cet avis. Et d'autres grands savants. Ils disent pourquoi? Ils disent car celui qui essuie sur ses chaussettes ou sur ses chaussons, il le fait car il a une facilité, c'est une facilité pour lui. Non. Des fois, il le fait car il est, dans la difficulté de les enlever. Donc, il essuie sur ses chaussettes. Il dit celui-là, là, il est plus à même d'avoir recours à l'essuyage, car il est dans une situation de nécessité. Il lui est impossible d'enlever son bandage. D'ailleurs, cette personne-là là, est morte à la suite d'avoir utilisé l'eau. Donc, ils disent ceci. Ils disent aussi que nous adorons Allah par l'essuyage, d'une manière générale. Et lorsque nous ne pouvons avoir recours à un lavage, alors nous passons à l'essuyage comme une seconde étape. Ça, c'était un premier avis. Deuxième avis, c'est l'avis entre deux. Al-Hafid al-Hakami, à notre époque, qui dit, et il s'appuie sur le hadith du prophète, où la deuxième partie est faible. Il y a dans une des versions de ce hadith où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait suffi d'essuyer, puis de laver, puis de faire le tayammum. Al-Hafid al-Hakami s'appuie sur ça pour dire que la personne qui a un pansement ou une attelle ou autre, non seulement il fait ses ablutions normalement, puis il essuie sur la partie, le plâtre, où il y a le pansement ou autre, et il fait tayammum en plus. Bah, c'est un avis. Un autre avis, c'est ceux qui disent qu'il est interdit, il n'est pas permis d'essuyer sur le plâtre. C'est pratiquement l'opposé du premier avis. Non. Il y a deux grands savants notamment qui voient ceci. Car lorsqu'on évoque cette problématique, on parle de ces deux-là. Ibn Hazm et Al-Albani. Ibn Hazm, il dit tout simplement que tous les hadiths sont faibles. Ibn Hazm, il ne voit pas l'analogie. Dans ses fondements à lui, l'analogie n'est pas valide. Il ne reconnaît pas l'analogie. Donc il dit on n'a aucune analogie à faire avec l'essuyage sur les chaussettes. Sur la base de ceci, il dit que ce n'est pas légiféré d'avoir recours à l'essuyage sur l'attelle ou sur le plâtre. Cheikh Al-Albani dit que tous les hadiths sont faibles. Et le hadith de le Athar d'Ibn Omar aussi, il est faible. Il dit quand bien même il serait authentique, quand bien même, si on suppose qu'il est authentique, on ne peut pas s'appuyer dessus, car c'est un acte isolé d'Ibn Omar. Et on a des fois des actes d'Ibn Omar qui contredisent la sunna, comme le fait que lorsqu'il fait ses ablutions, lorsqu'il lave son visage, il rentre l'eau en dessous des paupières. Non, il le faisait, il était le seul à le faire. Est-ce qu'on va dire que tout ce que fait Ibn Omar c'est une preuve? Non. Voilà ce que dit Cheikh Al-Albani dans Tamam al-Minna. Puis il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne surcharge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Et il ramène le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je vous ordonne une chose, faites-la selon vos capacités. Il dit donc que la personne ici n'est pas assujettie au blâme devant Allah puisque ce n'est pas de son bon vouloir qu'elle a un membre cassé. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la personne elle fait ses ablutions et au moment de laver le membre en question, il dit il ne fait rien, il le laisse comme ça. Il ne lave pas, il n'essuie pas. La parole authentique sur cet avis, inshallah, c'est le premier avis. Car le Athar d'Ibn Omar, il est authentique. Non, il a été authentifié, inshallah. Donc il est permis, il est même obligatoire, lorsque la personne fait ses ablutions, ou alors lorsqu'elle fait le lavage rituel, le bain rituel, les grandes ablutions si vous voulez, d'essuyer sur le plâtre ou l'attelle complètement, hein, afin de valider ses ablutions, Inch'Allah. Il y a plusieurs choses à citer aussi concernant cette problématique. Premièrement, comme je viens de le dire, l'essuyage sur le plâtre ou sur l'attelle n'est pas restrictif aux petites ablutions. Elle concerne aussi les grandes ablutions. C'est-à-dire la personne qui a un plâtre et qui doit faire ses grandes ablutions, il doit aussi essuyer sur son attelle. À plus forte raison pour celui qui fait ses petites ablutions. Il n'y a aucune différence entre les grandes et les petites, comme on pourrait faire cette différence lors de l'essuyage sur les chaussettes ou sur l'imam. On ne fait pas l'essuyage sur l'imam alors qu'on prend sa douche. De même, on ne fait pas le lavage rituel majeur avec les chaussettes aux pieds. Dans l'essuyage, il va falloir laver complètement. Deuxième chose qu'on peut citer ici, c'est que Al-Jabira, et ça fait partie des différences entre l'attelle et les chaussettes, c'est que l'attelle elle peut être sur n'importe quel membre. C'est-à-dire que je peux avoir une attelle sur le visage ou sur la tête, ou alors une attelle sur le bras ou sur les pieds. Alors que pour l'essuyage sur le khuffayn, c'est exclusivement relatif aux pieds. On ne peut pas mettre des chaussettes aux mains, par exemple, et faire l'essuyage sur les mains. Aussi, ça c'est très important, l'essuyage sur l'attelle, l'essuyage sur l'attelle n'est pas conditionné dans le temps. Cet essuyage-là s'arrêtera dès lors que la personne sera guérie et enlèvera son attelle. À ce moment-là, il lui sera obligatoire de laver. Mais avant ceci, il essuiera, quand bien même ça dure 2 ans, 3 ans, 10 ans. Tant qu'il a cette attelle et qu'il doit la porter, ou ce plâtre, il doit le porter, ou alors cette blessure, je ne sais trop quoi, il fera l'essuyage dessus jusqu'à ce qu'il soit guéri. Contrairement à l'essuyage sur les chaussettes qui est conditionné par 1 jour et 1 nuit pour le résident, 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. De même, il n'est pas conditionné de mettre la telle en état de pureté rituelle, comme c'est le cas pour les chaussettes par exemple, pour pouvoir essuyer dessus. Nous avions vu que pour essuyer sur les chaussettes, il fallait préalablement les avoir enfilées en état de pureté rituelle. Or, bien sûr, vous avez compris que ici, ce n'est pas du tout ça. La personne qui a un plâtre, il n'a pas choisi d'avoir un plâtre, n'est-ce pas? Donc, en général, on met un plâtre, la personne, elle a subi un accident, qu'elle nous en préserve. On l'emmène dans l'hôpital, il est loin de se soucier de faire ses ablutions avant de mettre la telle. C'est pour ceci que les savants disent que la telle, on la met moufaja'atan, c'est-à-dire de manière subite. Ce n'est pas programmé, comme on dit. Donc, ce n'est pas une condition d'avoir les ablutions lorsqu'on met la telle. Certains, Shafi'iyah, disent que c'est une condition. Voilà pourquoi ils disent que celui qui a une attelle ou un plâtre qui a été posé alors qu'il n'avait pas ses ablutions, il n'a pas le droit de prier jusqu'à ce qu'on lui enlève cette attelle et il rattrapera ses prières. Voilà. Et enfin, parmi les choses aussi qu'on a vues et qui se distinguent de l'essuyage sur les chaussettes, c'est qu'on doit essuyer tout le plâtre. S'il monte jusqu'ici, on essuie tout. Le dessus, le dessous, les côtés. De sta'ib. On englobe le plâtre dans l'essuyage. Contrairement aux chaussettes où on n'essuyait que dessus. Vous voyez que il y a beaucoup de différences entre, très peu de similitudes entre l'essuyage sur le plâtre et l'essuyage sur les chaussettes. Quelles sont les conditions pour pouvoir essuyer sur un plâtre? Premièrement, il faut que la personne soit dans le besoin de ce plâtre. Soit dans le besoin et la nécessité d'en porter un. Celui qui en porte un pour faire beau, parce que c'est à la mode, ou alors pour pas aller à l'école, ou alors pour pas travailler, alors qu'il n'a rien, celui-là, il lui est pas permis d'essuyer dessus. Pourquoi? Car une des conditions pour essuyer sur le plâtre, sur le pansement, faut qu'il soit dans la nécessité. C'est-à-dire, faut qu'il ait vraiment quelque chose qui le pousse à porter ceci. Un os cassé, une fracture, une blessure, bref, quelque chose qui nécessite un plâtre. Deuxième chose, il faut que le plâtre soit dans les mesures correctes de la blessure. Si j'ai une blessure au doigt, alors le médecin évalue. Si j'ai pas besoin d'avoir un plâtre dans toute la main, je ne le fais pas. Car la main fait partie des membres qui doivent être lavés. Donc je m'en tiens au minimum. Si le médecin considère que pour que la main se repose, elle doit être plâtrée, dans ce cas-là, pas de problème. Par contre, si toi tu demandes d'être plâtré jusqu'ici alors que tu as besoin juste d'être plâtré à la main, alors dans ce cas-là, comment tu vas faire pour laver ton bras? Là, dans ce cas-là, il va rentrer dans des problèmes, dans des problématiques. Il se trouve qu'il ne pourra même pas en sortir. Il va devoir enlever, passer l'eau en dessous, bref. Il va rentrer dans des problèmes interminables. Donc, deux conditions, barakallahu fikoum. Il faut que la personne soit dans la nécessité d'en porter un. Deuxième chose, il faut que ce plâtre soit dans la mesure qui est demandée. Non, ni plus, ni moins. Et enfin, pour finir, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, il y a 4 étapes. La personne doit observer 4 étapes dans cet ordre-là que je vais citer, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Pour celle qui est blessée à un membre qui doit être lavé par les ablutions, comme les pieds, comme les avant-bras ou les mains, comme le visage, comme la tête, tout ce qui est concerné par le lavage des ablutions. ou alors d'une manière générale tout le corps, puisque le ghusl aussi, le bain rituel, est concerné, tout le corps est concerné par celui-ci. Donc la première chose qu'il doit observer, s'il n'a aucune attelle sur lui, s'il n'a aucun pansement sur lui, il regarde, est-ce qu'il peut utiliser l'eau? Est-ce que l'eau est préjudiciable pour lui? Si elle n'est pas préjudiciable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aggraver la blessure ou le problème qu'il a, dans ce cas-là, il lui est obligatoire d'utiliser l'eau. Ça reste la base. Deuxième cas, il n'a pas d'attelle, ses membres sont à découvert. Par contre, l'utilisation de l'eau est préjudiciable. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il essuie seulement sur la blessure. Troisième étape, son membre est découvert, mais le lavage, l'utilisation de l'eau et l'essuyage, tous deux sont préjudiciables pour sa blessure. Elle risque de s'aggraver. Dans ce cas-là, celui-là, il lui est obligatoire d'avoir recours au tayammum. Les ablutions sèches ou les ablutions pulvérales, comme vous voulez. Et enfin, il y a la quatrième étape, c'est que son membre qui est blessé est couvert par Al-Jabir, par ce plâtre, par cette attelle. Il ne peut pas l'enlever. Hein? Bien comprendre qu'il ne peut pas l'enlever. Alors, il doit, comme on l'a vu, et ceci c'est la parole authentique, il l'essuie sur tout le plâtre et il n'a pas à le laver et ni à faire le tayammum. Vous avez compris les frères? بهذا الترتيب ان شاء الله تبارك وتعالى. Est-ce que quand le membre il est quand il n'y a rien dessus quand c'est nul, est-ce qu'il faut qu'il essuie comme pour le plâtre, il englobe tout ou bien juste il essuie? Si la blessure est dessus là, ici, il essuie dessus. D'accord? Il lave le reste. D'accord? Vous avez compris les frères? J'ai par exemple sur le bras ici une blessure ouverte, sur le dessus du bras ici. Qu'est-ce que je fais? Si l'eau, l'utilisation du lavage, c'est qu'un lavage, on prend de l'eau, on la fait couler dessus. Si ça porte préjudice, si ça occasionne des douleurs, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essuie dessus, on mouille la main, on essuie dessus. Par contre, le reste du membre, on le lave, comme d'habitude. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, naqtafi bihada al-qadr. وأصلي وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واهدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم